les juifs et les chrétiens ont dit « Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés ». Dis, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés ? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale.